Le train numéro 57 en provenance de Chamonix va entrer en gare, quai numéro 3. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.